Bonjour, madame, monsieur. Voici l'essentiel de l'édition de ce 15 mai, dont voici les grandes articulations. Inhumation ce mardi des corps des victimes de l'attaque de Ruhagarika en commune Buganda de la province Cibitoke dans la nuit de vendredi à samedi. D'ores et déjà, le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation condamne fermement ces tueries. Certains étudiants de l'université du Burundi campus Mutanga disent être malmenés par d'autres faisant des rondes nocturnes. De son côté, le chargé de la sécurité à ce campus précise qu'aucun étudiant ne s'est confié à lui. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'arthrose, une maladie caractérisée par des douleurs articulaires dans certaines parties du corps, nous dira le rhumatologue Alexis Sinzakaraye. C'est dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti, à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, page sécurité pour débuter ce journal. C'est ce mardi que les 26 corps des personnes tuées à Ruhagarika en commune Buganda de la province Cibitoke vont être inhumés ce mardi donc. C'était l'attaque de la semaine dernière. Obanyonguru qui est à Ruhagarika où vont être incessamment être inhumés ces corps vient d'être joint au téléphone par Eli Nibel Nibigira. Il nous parle où on en est avec les cérémonies funéraires. Obanyonguru, tu es à Ruhagarika où seront inhumées des personnes qui ont été tuées la fin de la semaine dernière. Comment sont organisées les cérémonies aujourd'hui? Eh oui, nous sommes sur la colline de Ruhagarika. C'est à quelques mètres du lieu où ce crime qui a emporté la vie de 6 personnes a eu lieu. C'était dans la nuit de ce vendredi à samedi. Comment nous sommes en train de préparer le lieu où seront inhumés les corps de ces victimes. C'est toujours, je le disais, sur la colline Ruhagarika. Et je signale qu'il y a ici certains ambassadeurs accrédités à Bujumbura. Et il y a aussi certains membres des organisations de défense des droits de l'homme, dont certains membres de la CNDI. Oh ben, merci. On espère que aussitôt que tu reviens, tu vas nous donner en détail cette information. Merci. Obin Nyonguru, le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation condamne fermement ces tueries. L'ambassadeur Guillaume Ruzovi, président de ce conseil, explique que rien ne peut expliquer des tueries pareilles, même s'il s'agirait des conflits suivis. Cette nouvelle a été consternante en ce qui nous concerne au Conseil national pour l'unité et la réconciliation. Et c'est pour vous dire que nous condamnons avec la dernière énergie ces tueries qui se sont passées à Ruhagarika. Et nous disons que ces tueries n'ont pas lieu d'arriver dans un pays aussi paisible où des personnes viennent et massacrent sans distinction le vieux, la vieille et l'enfant qui est tout à fait innocent sans savoir pourquoi il meurt pour des raisons que eux-mêmes connaissent. Mais il n'y a aucune cause qui peut justifier la perte de vies humaines. S'il y a des conflits entre deux groupes ou s'il y a des conflits à caractère politique, etc., il s'agit plutôt de s'asseoir ensemble et de trouver des solutions concertées à base du dialogue pour qu'à la fin, au lieu d'arriver à des confrontations armées, nous arrivions à une situation paisible. L'ambassadeur Ruzovi demande au Burundi de privilégier le dialogue et d'éviter des messages incitant à la haine qui pourraient entraîner d'autres tragédies. Suivez-le encore une fois. Les messages haineux, les messages qui incitent à la violence, il faut les condamner absolument. Quand on sait que, de toute façon, inciter à la haine provoque la peur. Et la peur peut provoquer des réactions tout à fait inattendues de la part de ceux qui ont été provoqués. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on croit que l'appel à la violence peut résoudre des problèmes, on se trompe. La violence ne peut pas être à la base de solutions durables et ne peut que engendrer un certain circuit infernal où la violence appelle la violence. Justement, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de ces personnes qui se lancent des messages haineux? Je lance le message suivant à ces gens, qu'ils comprennent que nous n'avons aucun intérêt à susciter la haine parmi les frères. Ambassadeur Guillaume Rousseau-Villot, président du Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation au micro de l'INIBEL Nibigira. Toujours en page sécurité, certains étudiants de l'Université du Burundi logés au campus Mutanga disent que leur sécurité est menacée. Ils se plaignent qu'il y a un groupe d'étudiants qui effectuent des rondes nocturnes au sein du campus et qui battent parfois leurs camarades qui rentrent tard dans la nuit. L'officier de police chargé de la sécurité au sein du campus nie les faits. Au PC Nibonabona, Cisse Célestin explique qu'aucun étudiant ne s'est jusqu'ici confié à lui. Les détails avec Claude Mbananayo, stagiaire à notre station. Ces étudiants de l'Université du Burundi au campus Mutanga disent qu'ils se remarquent depuis quelques temps des étudiants qui sont battus par leurs collègues. L'un de ces étudiants précise que cela est fait par un groupe de gens qui exercent des patrouilles pendant la nuit. Au campus Mutanga, nous avons un problème. Des personnes sont données le droit de battre les autres personnes. On ne sait pas ce qui se passe, mais ce qu'on est sûr, c'est que ce sont des gens qui font des patrouilles pendant la nuit. Et ces gens, ils ne demandent rien à une personne rencontrée pendant la nuit. Ils font la torture à cette personne. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Face à ces inquiétudes de ces étudiants, le PSN 1 Célestin Nibona Bonansizé, chargé de l'encadrement et de la sécurité à l'Université du Burundi, dit qu'il n'existait pas des étudiants qui administrent des coups et blessures à leurs collègues. Moi, je pense que cette situation que vous avez reçue n'est pas vraie. D'autant plus que ce n'est pas le campus Mutanga seulement, mais il y a d'autres campus périphériques. On n'a pas encore la portée de telle situation. Alors, pourquoi le campus Mutanga? Il n'existe pas des étudiants qui administrent des coups et blessures à leurs collègues. Sinon, si de tels cas se sont passés, je pense que je serai le premier à connaître l'affaire. Au Pessin, un Célestin rappelle à ses étudiants que les services de sécurité sont là pour eux. Cette autorité universitaire chargée de la sécurité à l'Université du Burundi demande aux étudiants qui seraient victimes de ce phénomène de saisir les services universitaires chargés de la sécurité. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro Place à la rubrique politique. L'intolérance et le manque d'équité chez certains médias burundais dont l'octroi de l'espace aux politiciens qui battaient campagne référendaire sont quelques-uns des manquements observés lors de cette dernière clôture ce lundi sur tout le territoire national. C'est du moins le constat de Faustin Dikumana, président de l'ONG locale Parsem. Ce représentant légal de cette ONG appelle les Burundais à changer de mentalité et demande que les auteurs des forfaits enregistrés soient sanctionnés conformément à la loi. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyang. On a constaté des discours où des fois certains qualifient de traîtres ceux qui n'ont pas la même conviction politique par rapport à la Constitution. J'analyse qu'il y a la rudeur de ce mot à qualifier quelqu'un de traître parce que vous n'avez pas la même vision sur un texte de loi. C'est lourd quand même comme mot. Au niveau de la sécurité, nous déplorons l'attaque de Buganda. Mais nous avons eu aussi entendu d'autres cas, Nega, Karusia, Rugombe, qui nécessitent une enquête rapide, comme on avait dit qu'il devait y avoir une permanence pénale pour frapper fort contre les gens qui pouvaient perturber la sécurité ou intimider les autres pendant cette campagne. On devait avoir la situation, punir avec sévérité ceux qui se sont méconduits par rapport à ça. Maintenant, on a analysé l'accessibilité, l'équité dans l'accès aux médias publics. Et surtout à la télévision nationale. J'ai pu constater que c'est peut-être ignorant, mais sinon, l'équité de l'accessibilité aux médias publics comme la télévision, c'est-à-dire que si les informations liées à la campagne devaient durer 10 minutes, ça veut dire que 5 minutes devaient être dédiées à la campagne du non et 5 autres minutes à la campagne du pour. Peut-être que cela, dans l'avenir, on pourra aussi corriger. Faustin Dikumana, président de l'ONG locale Parsem, toujours en page politique, mais société aussi. À 3 jours de la clôture des inscriptions des lauréats candidats officiers militaires, seuls 29 candidats se sont fait enregistrer dans la province Karusi, c'est au centre du pays. Les officiers militaires qui font cet enregistrement dans cette province indiquent que jusqu'à la mi-journée de ce mardi, aucun candidat de l'ethnie batoua ne s'est présenté pour être inscrit. Une seule fille s'est fait enregistrer ajoute-t-il, parmi les obstacles avancés par les jeunes qui viennent de terminer les humanités. Il y a entre autres l'obtention difficile des casiers judiciaires et l'exigence de l'attestation de réussite de l'Exeta. Ces officiers en charge de cette inscription espèrent l'augmentation du nombre dans les jours qui restent. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Revenons sur la page politique. Le retrait des cartes d'électeurs se poursuit dans les bureaux des commissions électorales communales indépendantes en mairie de Bujumbura, où nos reporters ont pu passer par les électeurs qui n'ont pas pu retirer leurs cartes à temps au siège des ceux-ci visités. Des files d'attente s'observaient dans l'avant-midi de ce mardi, au moment où à d'autres des gens qui se sont fait enrôler ne sont pas encore accueillis, comme a pu le constater le reporter Moïse Misago. Au bureau de la commission électorale communale indépendante de Mukadza, des files d'attente s'observent. Des habitants qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur dans les délais qui étaient prévus au début se réjouissent pour ce délai de grâce. Ils disent qu'ils étaient empêchés auparavant. Même si ceux de Mukadza étaient en train d'être servis, au bureau de la commission électorale communale indépendante de Nahangwa, ce n'est pas le cas. Des files d'attente qui s'y observent sont celles des membres des bureaux de vote qui signent des contrats. L'électeur que nous avons rencontré sur place regrette qu'il n'a pas pu trouver celui qui peut l'accueillir. D'autres électeurs ne savent pas où s'adresser pour retirer leur carte d'électeur. C'est au moment où le délai de grâce accordé par la CENI prend fin ce mercredi 16 mai 2018. Voilà, c'était Moïse Misago qui a pu passer à certains centres, commissions plutôt électorales communales indépendantes en mairie de Bujumbura. Le prix de l'huile de palme a augmenté 2000 francs de plus pour une bouteille d'un litre et demi dans différents marchés de la mairie de Bujumbura. Les vendeurs de ce produit disent qu'ils ne comprennent pas la raison de cette hausse, alors qu'habituellement, pendant la saison pluvieuse, l'huile de palme est abondante. Ces commerçants demandent aux responsables de faire tout leur possible pour que ce produit soit acheté au prix normal. Et la carence de pluie qu'a connue le Burundi durant les deux dernières années est à l'origine de la pénurie de l'huile de palme qui s'observe dans le pays. Cette affirmation est celle du président de l'Association pour la protection des cultivateurs de palmiers à Huile Burundi à Prodabou, Festus Chizademon. Certaines informations selon lesquelles ce produit est exporté vers les pays voisins. Il promet que la Prodabou va collaborer avec le gouvernement pour que ce produit soit vendu dans les prix comme à la normale. On l'écoute. Comme vous saviez, il y a deux ans passé, quand nous avons manqué la pluie, quand nous avons manifesté beaucoup de soleil, c'est cette raison qui a poussé que les palmiers ne donnent pas de fruits comme d'habitude. Les palmiers demandent beaucoup d'eau. La carence de pluie qui a duré deux ans a donné une carence de légumes et de palmiers à l'huile. D'ici à novembre, octobre, la production va augmenter, puisque si on promène dans les champs des palmiers, on montre qu'il y a beaucoup de frères qui va amener de production d'ici 3 mois, 4 mois. Isanganiro, la radio de l'avenir. Radio Isanganiro Chronique. Place à la chronique santé de ce mardi. L'arthrose est définie comme étant l'usure du tissu protecteur aux extrémités des os. Cette maladie, qui se caractérise par des douleurs articulaires dans certaines parties du corps, peut guérir si elle est traitée à temps. Le rhumatologue Alexis Nzakaraye indique que parmi les principales complications de l'arthrose figurent les déformations au niveau de la partie touchée, d'où nécessité d'une intervention chirurgicale. La chronique santé est signée Francine de Okugayo. Nous vous avons parlé dernièrement de l'arthrose, qui est une maladie des articulations. Les douleurs associées à la raideur sont susceptibles de retentir sur la vie des malades, indique le rhumatologue Alexis Nzakaraye. En s'effritant, ça va aboutir au rapprochement de deux os, ce qu'on appelle pincement. Or, on a besoin de cet espace entre deux os pour créer un mouvement normal de l'articulation. Eh bien, avec ce qu'on appelle ostéophyte, les excroissances qui se développent autour de l'os, il y aura, à cause du pincement, limitation des mobilités articulaires, il y aura déformation de l'articulation, et tout ça va conduire à la diminution des mobilités, des performances d'une articulation. Et à long terme, ça sera le handicap. Si le genou est déformé, si le membre inférieur ne peut plus se mettre debout parce que très douloureux, très déformé, la personne ne pourra plus marcher, la personne ne pourra plus utiliser le bras, si c'est le bras qui est touché, si c'est le coude, si c'est l'épaule. Les femmes sont plus à risque que les hommes en cas d'arthrose. Le docteur Sinzakaraye l'explique. Le genre n'a pas une influence vraiment directe, mais seulement on peut l'analyser d'une autre manière. Une femme est à risque, surtout avec la grossesse multiple. Les grossesses usent la colonne, surchargent la personne, surchargent la colonne, surchargent les membres inférieurs. Puis s'ajoute aussi le surpoids. Après la grossesse, beaucoup de femmes prennent le poids et puis l'inactivité physique. La prévention de l'arthrose est aussi possible dans certaines situations. Prévention, c'est-à-dire améliorer l'hygiène de vie. Les personnes doivent savoir comment se tenir, ne pas abîmer les articulations, ne pas trop surcharger les articulations quand ils portent les choses sur le dos, quand ils portent les choses sur la tête, quand ils soulèvent les choses, éviter de tenir des objets lourds parce que chaque fois ça charge, ça abîme les articulations. Deux, éviter le surpoids parce que chaque kilo qu'on gagne, ça charge les articulations, surtout les articulations des genoux, surtout le dos. Et puis des exercices physiques réguliers, ça important. Une personne qui reste assise, allongée, en tout cas qui ne bouge pas beaucoup, qui ne marche pas ou qui reste dans une voiture, etc., etc., eh bien, ça expose à ces maladies arthrosiques. Et puis, deuxième chose, les gens qui font des accidents. Les accidents, c'est inévitable. Quand on a eu un accident et que la fracture a touché une partie proche de l'articulation ou de l'articulation, quand ça n'a pas été bien traité, surtout pour les articulations, les grosses articulations portantes comme la hanche et le genou, eh bien, ça se complique d'arthrose. Donc, ça, la prévention, c'est que les alignements doivent être vraiment strictement observés. Les médicaments et la kinésithérapie peuvent aider à réduire les douleurs et à maintenir la mobilité articulaire. Quand la personne a commencé à avoir mal, il doit prendre les antidouleurs. Parce que la douleur actuellement, surtout dans les pays développés, comment être considérée comme une maladie? C'est très important. Avant de traiter toute maladie, parallèlement au traitement de la cause, on doit traiter la douleur. Ça, c'est obligatoire. Deuxième chose, c'est éviter les raideurs articulaires. Les raideurs articulaires surviennent souvent parce que la personne a mal, évite d'utiliser l'articulation, et bien l'articulation se déforme. Quand j'ai mal au coude, la tendance, c'est de le garder plié. Quand je le garde plié plus longtemps, eh bien, ça risque de ne pas retrouver l'extension normale. Eh bien, les muscles avoisinants de l'articulation qui est touchée par l'arthrose, ils perdent de la force parce qu'ils ne sont pas utilisés, parce que moindre mouvement, j'ai mal, donc solution ne pas utiliser son membre. Eh bien, le muscle ne va pas supporter ça. Le traitement, la kinésithérapie a un rôle très, très important ici. On sait bien que dans nos pays sous-développés, les traitements physiques comme la kinésithérapie, les gens ne sont pas très habitués. Ils croient que c'est pour les gens post-fracturés ou autres, ils ne sont pas très habitués. Et puis viennent ensuite ce qu'on appelle les chondroprotecteurs. Ce sont des médicaments pour protéger l'articulation. Donc, ils bloquent l'évolution de la destruction articulaire, mais aussi facilitent ce que je peux appeler, entre guillemets, la cicatrisation autour de l'articulation. Même les anti-inflammatoires jouent un rôle à ce niveau. Quand l'articulation, le cartilage a été abîmé, et que le conseil de décharge de ne pas trop utiliser l'articulation a été bien suivi, le traitement anti-inflammatoire chondroprotecteur permet à la partie qui a été lésée. Le rhumatologue Alexis Nzakaraye fait savoir que si la maladie n'a pas été ralentie, la chirurgie devient le dernier recours, le plus souvent pour remplacer une partie ou toute la partie de l'articulation. Voilà, 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Point final de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi avec attention. Merci à Aimé Toussaint Mitebouti qui assure la mise en onde, à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.